voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je suis un diable, je suis partout. À table dans ta cartouche, au fond de ton cartable, je suis dans tout ce que ton corps touche. Je suis le diable sous une capuche, vous pouvez bien voir, touche. Le psychopathe qui trempe derrière l'oreille de ta douche. Son Noël Diablo. Je suis dans la peau d'un Marc, d'un Mousse, d'un Ben et même d'un Pablo. Je suis le tout capable et palpable. Ce monde, mon terrain de jeu, mon bac à sable. Je suis le diable. Je dîne avec toi tous les soirs. Je pose mes pieds sur la table comme un daron sans histoire. Mes soirs, j'ai envie d'un bain de sang, de cris qui cassent les murs. Que la mort devienne naissance. Tout ce qui se trouve sur ma toiture, chérie, je t'aime. Je t'aime, toi, les gosses, te jure. Mais je suis celui qui va t'abattre les moyens sabres, géniture. À quatre pattes, dans la cuisine, au point de rupture. Je pars, reste homme, pleure, puis à son tour se torture. Je suis la mort. Je roule du cul devant toi avec tes potes. Tu me mordis la lèvre sous le spot de cette voix. Je te chuchote. Être venu seul sans culotte. Allez, viens, si t'es un homme, me le prouver dans les chiottes. Je te prends par la main, tu fais un clin d'œil à tes os. Je remontre mes fesses, leur fais signe, tu vas te faire Jésus. Ne l'oublie pas, je suis le diable. Je te donne plus, tu repartiras avec le sourire et les signes d'un bonus. Je suis le diable, je suis la ruse. Je suis la rue, parfois même je fais la messe dans ton église et ça m'amuse, la mainmise. En soutane, je me trouve mignon, moi. Je rentre au mignon et dans ces gamins que j'abuse. Je suis le diable en chapelet, en place assise. On m'échappe, je traque les orphelins que tu méprises. Je suis le mal, rempli de tout le raccourcis. Je vis le mal et la couleur reste le noir, c'est mon emprise. Je suis le diable, Lucifer, laisse-toi faire, pour toi j'ai tout fait. Allume la flamme sur cette cuillère, mon grand, va fais-moi chauffer. Injecte-moi dans tes veines, mets-toi un chiffon. Bienvenue dans la danse, la dépendance va t'étouffer. Bienvenue, viens mon petit, viens chauffer. Viens, je suis ton paradis, prends-moi tes plaines seront soufflées. N'aie pas peur, je suis ici, sur toi ça devient fou. Je reste ton seul ami, ton regard vide, ton dernier souffle. C'est peut-être vrai ce qu'on dit, que Dieu a lancé l'été une fois de trop. Peut-être même qu'il nous a tous abandonnés. Je n'ai jamais rejeté l'homme, en dépit de toutes ses imperfections, parce que moi, j'aime l'homme. Je suis celui qu'on n'aime pas, celui qu'on ne veut pas nommer. Je suis cet homme de combat qui pose des minets pour les mondes. Je suis le diable, je m'aime, j'aime les actions que je mène. On marre, mais bientôt je peins au-dessus de ton domaine. Je suis parti. Je suis le diable, je suis rapide dans ma carcasse métallique. Ma seule cible est le bipède. J'adore les cils humains me téléguider. Ils nous ont avertis. Je suis la mort, je fais le vide. Drapeau ricard, je rougis. Je t'enlève tout, je laisse le vide. Regarde les orphelins, fouiller les ruines et je les vide. J'adore pour la détresse des invalides. Je suis le diable et le guide. Le temps d'homme qui vous préside. 666, mon numéro est simple. Mais dis-toi bien ceci, ton annuaire est plein de disciples. De Paris à Naples, j'ai déjà tout anticipé. J'agis par principe, qui cherche la mort jusqu'à s'étriper. Celle qui lutte avec la croix quand je la persécute. Je lui perce les côtes, elle crie, je la culbute en brut. Mon jeu ne suis plus rare, elle m'appelle Belzébuth. Qu'elle me voit dans son miroir, que la belle se bute. Je suis le diable, traite-moi de tout sauf de vous. À la paix, je préfère le feu, crois-moi, ce n'est pas un défaut. Je vous accable, mais vous n'avez pas touché le fond. Ce millénaire sera le mien et la sueur de mon front. Mes amis, je vous garde le meilleur pour la fin. Le tsunami n'était qu'une mise en garde. D'ailleurs j'ai encore faim. Même refrain, je veux de l'eau jusqu'en haut de mon plafond. Et Dieu, je veux tous tes enfants les attirer dans les bas-fonds. Je suis Satan le maudit, prince des démons. Je suis cet audice, tu la conduis sans tes deux mains. Attends, attends, y'a tes copains dis leurs démons. Allez, je vous emmène pour un aller simple et dément. Pour s'en sortir, j'ai donné à l'homme tous les éléments. Le corps dans le vestiaire, du sein dans ses aliments. Un 45 de chargeur, alcool et médicaments. Je suis le diable, à la fois agitateur et dernier calmant. Pour qui tu le portes ton sac de briques, dis-moi. Dieu, c'est ça? Dieu, tu sais quoi? Je vais te dévoiler une petite info exclusive. Dieu aime regarder, réfléchir. Il accorde à l'homme les instincts. Il vous fait ce cadeau extraordinaire et ensuite, qu'est-ce qu'il s'empresse de faire? Et ça, je peux te le jurer. Pour son propre divertissement personnel, il établit des règles en opposition. Regarde, mais surtout ne touche pas. Touche, mais surtout ne goûte pas. Goûte, n'avale surtout pas. Et pendant que vous êtes tous là, à sautiller d'un pied sur l'autre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ils se font la pêche à s'en cogner son vieux cul de cinglé au plafond. C'est un refoulé, c'est un sadique, c'est un proprio qui habite même pas l'immeuble. Vénérer un truc pareil, jamais.